Les délégués de la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée ont visité le haut lieu révolutionnaire de Pyeongchang, le haut lieu de guerre de libération de la patrie et le cimetière des martyrs participant à la guerre de libération de la patrie. Par ailleurs, elles ont visité également le palais des sciences et techniques, des expositions de photos consacrées à la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée, des réalisations des affaires de l'Union et des articles de consommation courante fabriqués par les membres de l'Union, le muséum naturel, le zoo central et le parc aquatique de Munsu.